sans amis tu vis. Je me regarde tourner la tête, éveillé très très tard. Sans amis tu vis. Ça me regarde perdre la tête et oublier tout ça. J'ai beaucoup trop de temps pour rien faire. Bien trop de temps pour rien. J'ai pas assez d'envie pour m'y faire. Mes solutions sont dans le vent. Tout est trop grand, si grand que seul, je crève de peur. Sans amitié vile, je te regarde tourner la tête et t'approcher de moi. Sans amitié vile, ça me regarde perdre la tête quand tu souris vers moi. J'ai pas beaucoup de temps pour te plaire. Me crève le cœur. Sans amitié vie, ça te regarde. Si tu veux perdre la tête pour un autre que moi.